À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le journal russe Vladivostok a inséré le 20 juillet un écrit titré « Coulage du Baltimore, croiseur lourd américain dans la mer coréenne il y a 66 ans ». L'auteur y a présenté en détail comment le croiseur lourd Baltimore de 17 000 tonnes et le croiseur léger de 12 000 tonnes des Américains ont été sombrés par quatre torpilleurs de l'héroïque armée populaire de Corée lors de la dernière guerre de Corée.